Chapitre 11 Livre cinquième Des Misérables Tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre cinquième La Descente Chapitre 11 Christus nos liberavit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère. À la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux. Une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte. La sainte loi de Jésus-Christ gouverne notre civilisation, mais elle ne la pénètre pas encore. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s'appelle prostitution. Il pèse sur la femme, c'est-à-dire sur la grâce, sur la faiblesse, sur la beauté, sur la maternité. Ceci n'est pas une des moindres hontes de l'homme. Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle est devenue marbre en devenant boue, qui la touche à froid. Elle passe, elle vous subit et elle vous ignore. Elle est la figure déshonorée et sévère. La vie et l'ordre social lui ont dit leur dernier mot. Il lui est arrivé tout ce qui lui arrivera. Elle a tout ressenti, tout supporté, tout éprouvé, tout souffert, tout perdu, tout pleuré. Elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence comme la mort ressemble au sommeil. Elle n'évite plus rien, elle ne craint plus rien. Tombe sur elle toute la nuée et passe sur elle tout l'océan. Que lui importe? C'est une éponge imbibée. Elle le croit du moins, mais c'est une erreur de s'imaginer qu'on épuise le sort et qu'on touche le fond de quoi que ce soit. Hélas, qu'est-ce que toutes ces destinées ainsi poussées pêle-mêle? Où vont-elles? Pourquoi sont-elles ainsi? Celui qui sait cela voit toute l'ombre. Il est seul. Il s'appelle Dieu. Fin du chapitre 11 Christus nos liberavit.